les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Elle l'aime, elle le fuit. Il l'aime, il la quitte. Elle, Bérénice, lui, Titus. Et, dans la tragédie, dans le décor, sur scène, Antiochus. Ils serviront tous trois d'exemple à l'univers de l'amour la plus tendre et la plus malheureuse dont ils puissent garder l'histoire douloureuse. Mais comment, avant cela, imaginer que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice ? Hélas ! Matinée classique, première diffusion sur la chaîne nationale le 12 octobre 1950. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la radiodiffusion française vous présente sa matinée classique, au cours de laquelle vous pourrez entendre Bérénice, tragédie en cinq actes de Jean Racine. Voici quelle sera la distribution de Bérénice. Titus, empereur de Rome, Jean Chevrier. Bérénice, reine de Palestine, Jacqueline Moran. Antiochus, roi de Commagène, Serge Reggiani. Paulin, confident de Titus, Georges Leroy. Arsace, confident d'Antiochus, Jean Claudio. Phénice, confidente de Bérénice, Annie Gaillard. Rutile, jeune Romain, Roland Bernard. Direction artistique de Jacques Régnier. La scène se passe à Rome, dans un cabinet qui est entre l'appartement de Titus et celui de Bérénice. Arrêtons un moment. La pompe de ces lieux, je le vois bien, Arsace, est nouvelle à tes yeux. Souvent, ce cabinet superbe et solitaire des secrets de Titus est le dépositaire. C'est ici quelquefois qu'il se cache à sa cour lorsqu'il vient à la reine expliquer son amour. De son appartement, cette porte est prochaine, et cette autre conduit dans celui de la reine. Va chez elle. Dis-lui qu'importun regret, j'ose lui demander un entretien secret. Vous, seigneur, importun ? Vous, cet ami fidèle qu'un soin si généreux intéresse pour elle ? Vous, cet Antiochus, son amant autrefois ? Vous que l'Orient compte entre ses plus grands rois ? Quoi ? Déjà le Titus, épouse en espérance, se rend entre elle et vous, met-il tant de distance ? Va, dis-je ! Et sans vouloir te charger d'autres soins, vois si je puis bientôt lui parler sans témoin. Eh bien, Antiochus, es-tu toujours le même ? Pourrais-je sans trembler lui dire « Je vous aime » ? Mais quoi, déjà je tremble et mon cœur agité craint autant ce moment que je l'ai souhaité. Bérénice autrefois m'ôta toute espérance. Elle m'imposa même un éternel silence. Je me suis tu 5 ans. Et jusque à ce jour d'un voile d'amitié, j'ai couvert mon amour. Dois-je croire qu'au rang où Titus la destine, elle m'épouse mieux que dans la Palestine ? Il l'épouse ! Ai-je donc attendu ce moment pour me venir encore déclarer son amant ? Quel fruit me reviendra d'un aveu téméraire ? Ah, puisqu'il faut partir, partons sans lui déplaire. Retirons-nous, sortons, et sans nous découvrir, allons loin de ses yeux, l'oublier ou mourir. Et quoi ? Souffrir toujours un tourment qu'elle ignore. Toujours verser des pleurs qu'il faut que je dévore. Quoi ? Même en la perdant, redouter son courroux ? Belle reine, et pourquoi vous offenseriez-vous ? Bien, je vous demandais que vous quittiez l'Empire, que vous m'aimiez. Hélas, je ne viens que vous dire qu'après m'être longtemps flatté, que mon rival trouverait à ses voeux quelque obstacle fatal. Aujourd'hui qu'il peut tout, que votre hymen s'avance, exemple infortuné d'une longue constance, après 5 ans d'amour et d'espoir superflu, je pars, fidèle encore quand je n'espère plus. Au lieu de s'offenser, elle pourra me plaindre. Quoi qu'il en soit, parlons, c'est assez nous contraindre. Et que peut craindre, hélas, un amant sans espoir qui peut bien se résoudre à ne la jamais voir. Arsace, entrerons-nous. Seigneur, j'ai vu la reine. Mais pour me faire voir, je n'ai percé qu'à peine les flots toujours nouveaux d'un peuple adorateur qui attire sur ses pas sa prochaine grandeur. Et Titus, après 8 jours d'une retraite austère, cesse enfin de pleurer Vespasien, son père. Cet amant se redonne aux soins de son amour. Et si j'en crois, Seigneur, l'entretien de la cour, Peut-être, avant la nuit, l'heureuse Bérénice change le nom de reine au nom d'impératrice. Hélas. Quoi ? Ce discours pourrait-il vous troubler ? Ainsi donc, sans témoin, je ne lui puis parler. Vous la verrez, Seigneur. Bérénice est instruite que vous voulez ici la voir seule, et sans suite. La reine, d'un regard, a daigné m'avertir qu'à votre empressement, elle allait consentir. Et sans doute, elle attend le moment favorable pour disparaître aux yeux d'une cour qui la calme. Il suffit. Cependant, n'as-tu rien négligé des ordres importants dont je t'avais chargé ? Seigneur, vous connaissez ma prompte obéissance. Des vaisseaux dans Ostie armés en diligence, prêts à quitter le port de moment en moment, n'attendent pour partir que vos commandements. Mais qui renvoyez-vous dans votre comagène ? Arzas, il faut partir quand j'aurai vu la reine. Qui doit partir ? Moi. Vous ? En sortant du palais, je sors de Rome, Arzas. Et j'en sors pour jamais. Je suis surpris, sans doute. Et c'est avec justice. Quoi, depuis si longtemps, la reine Bérénice vous arrache, Seigneur, du sein de vos états. Depuis 3 ans dans Rome, elle arrête vos pas. Et lorsque cette reine, assurant sa conquête, vous attend pour témoin de cette illustre fête, quand l'amoureux Titus, devenant son époux, lui prépare un éclat qui rejaillit sur vous... Arzas, laisse-la jouir de sa fortune et quitte un entretien dont le cours m'importune. Je vous entends, Seigneur. Ces mêmes dignités ont rendu Bérénice ingrate à vos bontés. L'inimitié succède à l'amitié trahie. Non, Arzas, jamais je ne l'ai moins haï. Quoi donc ? De sa grandeur déjà trop prévenue, le nouvel empereur vous a-t-il méconnu ? Quelque pressentiment de son indifférence vous fait-il loin de Rome éviter sa présence ? Titus n'a point pourru pour moi se démentir, j'aurais tort de me plaindre. Mais pourquoi donc partir ? Quel caprice vous rend ennemi de vous-même ? Le ciel met sur le trône un prince qui vous aime, un prince qui, jadis, témoin de vos combats, vous vit chercher la gloire et la mort sur ses pas. Et de qui la valeur, par vos soins secondés, mit enfin sous le joug la rebelle Judée. Il se souvient du jour illustre et douloureux qui décida du sort d'un long siège douteux. Sur leur triple rempart, les ennemis tranquilles contemplaient sans péril nos assauts inutiles. Le bélier impuissant les menaçait en vain, vous seul, Seigneur. Vous seul, une échelle à la main, vous portâtes la mort jusque sur leurs murailles. Ce jour presque éclaira vos propres funérailles. Titus vous embrassa, mourant entre mes bras. Et tout le camp vainqueur pleura votre trépas. Voici le temps, Seigneur, où vous devez attendre le fruit de tant de sang qu'ils vous ont vu répandre. Si, pressé du désir de revoir vos états, vous vous lassez de vivre, vous ne régnez pas, faut-il que sans honneur l'Euphrate vous revoie ? Attendez pour partir que César vous renvoie triomphant et chargé des titres souverains qu'ajoute encore au roi l'amitié des Romains. Rien ne peut-il, Seigneur, changer votre entreprise ? Vous ne répondez pas ? Que veux-tu que je dise ? J'attends de Bérénice un moment d'entretien. Eh bien, Seigneur ? Son sort décidera du mien. Comment ? Sur son hymen, j'attends qu'elle s'explique. Si sa bouche s'accorde avec la voix publique, s'il est vrai qu'on l'élève au trône des Césars, si Titus a parlé, s'il l'épouse, je pars. Mais qui rend à vos yeux cet hymen si funeste ? Quand nous serons partis, je te dirai le reste. Dans quel trouble, Seigneur, jetez-vous mon esprit ? La reine vient ! Adieu, fais tout ce que j'ai dit. Enfin, je me dérobe à la joie importune de tant d'amis nouveaux que me fait la fortune. Je fuis de leur respect l'inutile longueur pour chercher un ami qui me parle du cœur. Il ne faut point mentir. Ma juste impatience vous accusait déjà de quelque négligence. Quoi, cet Antiochus, disais-je, dont les soins ont eu tout l'Orient et Rome pour témoin ? Lui que j'ai vu toujours constant dans mes traverses, suivre d'un pas égal mes fortunes diverses. Aujourd'hui que le ciel semble me présager un honneur qu'avec vous je prétends partager, ce même Antiochus, se cachant à ma vue, me laisse à la merci d'une foule inconnue. Il est donc vrai, madame ? Et selon ce discours, l'hymen va succéder à vos longues amours ? Seigneur, je vous veux bien confier mes alarmes. Ces jours ont vu mes yeux baignés de quelques larmes. Ce long deuil que Titus imposait à sa cour avait même en secret suspendu son amour. Il n'avait plus pour moi cette ardeur assidue lorsqu'il passait les jours attachés sur ma vue. Muet, chargé de soins et les larmes aux yeux, il ne me laissait plus que de tristes adieux. Jugez de ma douleur, moi dont l'ardeur extrême, je vous l'ai dit 100 fois, n'aime en lui que lui-même, moi qui, loin des grandeurs dont il est revêtu, aurais choisi son cœur et cherché sa vertu. Il a repris pour vous sa tendresse première. Vous fûtes spectateur de cette nuit dernière, lorsque pour seconder ses soins religieux, le Sénat a placé son père entre les dieux. De ce juste devoir, sa piété contente a fait place, Seigneur, aux soins de son amante. Et même en ce moment, sans qu'il m'en ait parlé, il est dans le Sénat par son ordre assemblé. Là, de la Palestine, il est en la frontière. Il y joint l'Arabie et la Syrie entière. Et si de ses amis j'en dois croire la voix, si j'en crois ses serments redoublés mille fois, il va sur tant d'états couronner Bérénice pour joindre à plus de noms le nom d'impératrice. Il m'en viendra lui-même assurer en ce lieu. Et je viens donc vous dire un éternel adieu. Que dites-vous? Oh, ciel, quel adieu! Quel langage! Prince, vous vous troublez et changez de visage. Madame, il faut partir. Quoi, ne puis-je savoir quel sujet? Il fallait partir sans la revoir. Que craignez-vous? Parlez, c'est trop longtemps, se taire. Seigneur, de ce départ, quel est donc le mystère? Au moins, souvenez-vous que je cède à vos lois et que vous m'écoutez pour la dernière fois. Si dans ce haut degré de gloire et de puissance, il vous souvient des lieux où vous prîtes naissance, madame, il vous souvient que mon cœur, en ces lieux, reçut le premier trait qui partit de vos yeux. J'aimais. J'obtins l'aveu d'Agrippa, votre frère. Il vous parla pour moi. Peut-être sans colère alliez-vous de mon cœur recevoir le tribut. Titus, pour mon malheur, vint, vous vit. Et vous plut. Il parut devant vous dans tout l'éclat d'un homme qui porte entre ses mains la vengeance de Rome. La Judée en pâlit. Le triste Antiochus se compta le premier au nombre des vaincus. Bientôt, de mon malheur interprète sévère, votre bouche à la mienne ordonna de se taire. Je disputais longtemps, je fis parler mes yeux, mes pleurs et mes soupirs vous suivaient en tout lieu. Enfin, votre rigueur emporta la balance. Vous sûtes m'imposer l'exil ou le silence. Il fallut le promettre et même le jurer. Mais puisqu'en ce moment j'ose me déclarer, lorsque vous m'arrachiez cette injuste promesse, mon cœur faisait serment de vous aimer sans cesse. Oh, que me dites-vous? Je me suis tu 5 ans, madame, et vais encore me taire plus longtemps. De mon heureux rival, j'accompagnais les armes. J'espérais de verser mon sang après mes larmes, ou qu'au moins jusqu'à vous porter parmi l'exploit, mon nom pourrait parler au défaut de ma voix. Le ciel sembla promettre une fin à ma peine, vous pleurâtes ma mort. Hélas, trop peu certaine. Inutile péril, quelle était mon erreur. La valeur de Titus surpassait ma fureur. Il faut qu'à sa vertu mon estime réponde. Quoi qu'attendu, madame, à l'empire du monde, chérie de l'univers, enfin aimée de vous, il semblait à lui seul appeler tous les coups, tandis que sans espoir, haï, lassé de vivre, son malheureux rival ne semblait que le suivre. Je vois que votre cœur m'applaudit en secret. Je vois que l'on m'écoute avec moins de regret et que, trop attentive à ce récit funeste en faveur de Titus, vous pardonnez le reste. Enfin, après un siège aussi cruel que lent, il dompta les mutins. Reste pas les sanglants des flammes, de la faim, des fureurs intestines, et laissa leurs remparts cachés sous leurs ruines. Rome vous vit, madame, arriver avec lui. Dans l'Orient désert, quel devint mon ennui. Je demeurai longtemps errant dans Césarée, lieu charmant où mon cœur vous avait adoré. Je vous redemandais à vos tristes états. Je cherchais en pleurant les traces de vos pas. Mais enfin, succombant à ma mélancolie, mon désespoir tourna mes pas vers l'Italie. Le sort m'y réservait le dernier de ses coups. Titus, en m'embrassant, m'amena devant vous. Un voile d'amitié vous trompa l'un et l'autre. Et mon amour devint le confident du vôtre. Mais toujours quelque espoir flattait mes déplaisirs. Rome, Vespasien traversait vos soupirs. Après tant de combats, Titus cédait peut-être. Vespasien est mort. Et Titus est le maître. Que ne fuyais-je alors? J'ai voulu quelques jours de son nouvel empire examiner le coup. Mon sort est accompli. Votre gloire s'apprête. Assez d'autres sans moi témoins de cette fête à vos heureux transports viendront joindre les leurs. Pour moi, qui ne pourrais y mêler que des pleurs, d'un inutile amour trop constante victime, heureux dans mes malheurs, d'en avoir pu sans crime compter toute l'histoire aux yeux qui les ont faits, je pars plus amoureux que je ne fus jamais. Seigneur, je n'ai pas cru que dans une journée qui doit avec César unir ma destinée, il fût quelque mortel qui pût impunément se venir à mes yeux déclarer mon amant. Mais de mon amitié, mon silence est un gage. J'oublie en sa faveur un discours qui m'outrage. Je n'en ai point troublé le cours injurieux. Je fais plus. À regret, je reçois vos adieux. Le ciel sait qu'au milieu des honneurs qu'il m'envoie, je n'attendais que vous pour témoin de ma joie. Avec tout l'univers, j'honorais vos vertus. Titus vous chérissait, vous admiriez Titus. 100 fois, je me suis fait une douceur extrême d'entretenir Titus dans un autre lui-même. Et c'est ce que je fuis. J'évite mes trop tard ces cruels entretiens où je n'ai point de part. Je fuis Titus. Je fuis ce nom qui m'inquiète. Ce nom qu'à tout moment votre bouche répète, que vous dirai-je enfin. Je fuis des yeux distraits qui, me voyant toujours, ne me voyaient jamais. Adieu. Je vais, le cœur trop plein de votre image, attendre en vous aimant la mort pour mon partage. Surtout, ne craignez point qu'une aveugle douleur remplisse l'univers du bruit de mon malheur. Madame, le seul bruit d'une mort que j'implore vous fera souvenir que je vivais encore. Adieu. Que je le plains. Tant de fidélité, madame, méritait plus de prospérité. Ne le plaignez-vous pas? Cette prompte retraite me laisse, je l'avoue, une douleur secrète. Je l'aurais retenue. Qui, moi, le retenir? J'en dois perdre plutôt jusque aux souvenirs. Tu veux donc que je flatte une ardeur insensée? Titus n'a point encore expliqué sa pensée. Rome vous voit, madame, avec des yeux jaloux. La rigueur de ses lois m'épouvante pour vous. L'hymen chez les Romains n'admet qu'une Romaine. Rome est tous les rois et Bérénice est reine. Le temps n'est plus Phénice où je pouvais trembler. Titus même, il peut tout, il n'a plus qu'à parler. Il verra le Sénat m'apporter ses hommages et le peuple de fleurs couronner ses images. De cette nuit, Phénice, as-tu vu la splendeur? Tes yeux ne sont-ils pas tout pleins de sa grandeur? Ce flambeau, ce bûcher, cette nuit enflammée, ces aigles, ces faisceaux, ce peuple, cette armée, cette foule de rois, ces consuls, ce sénat, qui tous de mon amant empruntaient leur éclat, cette pourpre, cet or que rehaussait sa gloire, et ces lauriers encore témoins de sa victoire, tous ces yeux qu'on voyait venir de toutes parts, confondre sur lui seul leurs avides regards, ce port majestueux, cette douce présence, ciel! Avec quel respect et quelle complaisance tous les cœurs en secret l'assuraient de leur foi. Parle, peut-on le voir sans penser comme moi qu'en quelque obscurité que le sort lui fait naître? Le monde, en le voyant, eût reconnu son maître. Mais Phénice, où m'emporte un souvenir charmant? Cependant, Rome entière en ce même moment fait des vœux pour Titus, et par des sacrifices, de son règne naissant célèbre les prémices. Que tardons-nous? Allons pour son empire heureux au ciel qui le protège offrir aussi nos vœux. Aussitôt, sans l'attendre et sans être attendu, je reviens le chercher. Et dans cette entrevue, dire tout ce qu'au cœur l'un de l'autre content inspire des transports retenus si longtemps. Deuxième acte. A-t-on vu de ma part le roi de Commagène? Sait-il que je l'attends? J'ai couru chez la reine. Dans son appartement, ce prince avait paru. Il en était sorti lorsque j'y suis couru. Vos ordres, Seigneur, j'ai dit qu'on l'avertisse. Il suffit. Et que fait la reine Bérénice? La reine, en ce moment, sensible à vos bontés, charge le ciel de vœux pour vos prospérités. Elle sortait, Seigneur. Trop aimable princesse. Hélas. En sa faveur, d'où naît cette tristesse? L'Orient presque entier va fléchir sous sa loi. Vous la plaignez? Paulin, qu'on vous laisse avec moi. Eh bien, de mes desseins, Rome encore incertaine attend que deviendra le destin de la reine, Paulin. Et les secrets de son cœur et du mien sont de tout l'univers devenus l'entretien. Voici le temps, enfin, qu'il faut que je m'explique. De la reine et de moi, que dit la voix publique? Parlez, qu'entendez-vous? J'entends de tous côtés publier vos vertus, Seigneur, et ses beautés. Que dit-on des soupirs que je pousse pour elle? Quel succès attend-on d'un amour si fidèle? Vous pouvez tout. Aimer, cesser d'être amoureux, la cour sera toujours du parti de vos voeux. Et je l'ai vu aussi, cette cour peu sincère, à sa maître toujours trop soigneuse de plaire, des crimes de Néron à prouver les horreurs. Je l'ai vu à genoux consacrer ses fureurs. Je ne prends point pour juge une cour idolâtre, Paulin. Je me propose un plus noble théâtre. Et sans prêter l'oreille à la voix des flatteurs, je veux par votre bouche entendre tout le cœur. Vous me l'avez promis. Le respect et la crainte ferment autour de moi le passage à la plainte. Pour mieux voir, cher Paulin, et pour entendre mieux, je vous ai demandé des oreilles, des yeux. J'ai mis même à ce prix mon amitié secrète. J'ai voulu que des cœurs vous fussiez l'interprète, qu'au travers des flatteurs, votre sincérité fît toujours jusqu'à moi passer la vérité. Parlez donc. Que faut-il que Bérénice espère? Rome lui sera-t-elle indulgente ou sévère? Dois-je croire qu'assise au trône des Césars, une si belle reine offensa ses regards? N'en doutez point, Seigneur. Soit raison, soit caprice, Rome ne l'attend point pour son impératrice. On sait qu'elle est charmante. Et de si belles mains semblent vous demander l'empire des humains. Elle a même, dit-on, le cœur d'une romaine. Elle a mille vertus. Mais, Seigneur, elle est reine. Rome, par une loi qui ne se peut changer, n'admet avec son sang aucun sang étranger. Et ne reconnaît point les fruits illégitimes qui naissent d'un hymen contraire à ses maximes. D'ailleurs, vous le savez, en bannissant ses rois, Rome, à ce nom si noble et si saint autrefois, attacha pour jamais une haine puissante. Et quoiqu'à ses Césars fidèles, obéissantes, cette haine, Seigneur, reste de sa fierté, survit dans tous les cœurs, après la liberté. Jules, qui le premier la soumit à ses armes, qui fit taire les lois dans le bruit des alarmes, brûla pour Cléopâtre, et sans se déclarer, seul dans l'Orient la laissa soupirer. Antoine, qui l'aima jusqu'à l'idolâtrie, oublia dans son sein sa gloire et sa patrie, sans oser toutefois se nommer son époux. Rome l'alla chercher jusque à ses genoux et ne désarma point sa fureur vengeresse qu'elle n'eût accablé l'amant et la maîtresse. Depuis ce temps, Seigneur, Caligula, Néron, monstre dont à regret je cite ici le nom, et qui, ne conservant que la figure d'homme, foulèrent à leurs pieds toutes les lois de Rome, ont craint cette loi seule, et n'ont point, à nos yeux, allumé le flambeau d'un hymen odieux. Vous m'avez commandé surtout d'être sincère. De la franchie Pallas, nous avons vu le frère. Des fers de Claudius, Félix encore flétri, de deux reines, Seigneur, devenir le mari, et s'il faut jusqu'au bout que je vous obéisse, ces deux reines étaient du sang de Bérénice. Et vous croiriez pouvoir, sans blesser nos regards, faire entrer une reine au lit de nos Césars, tandis que l'Orient, dans le lit de ses reines, voit passer en esclaves au sortir de nos chaînes? C'est ce que les Romains pensent de votre amour. Et je ne réponds pas avant la fin du jour que le Sénat, chargé des vœux de tout l'Empire, ne vous redise ici ce que je viens de dire, et que Rome, avec lui, tombant à vos genoux, ne vous demande un choix digne d'elle et de vous. Vous pouvez préparer, Seigneur, votre réponse. Hélas, à quel amour on veut que je renonce? Cet amour est ardent, il le faut confesser. Plus ardent mille fois que tu ne peux penser, Paulin. Je me suis fait un plaisir nécessaire de la voir chaque jour, de l'aimer, de lui plaire. J'ai fait plus, je n'ai rien de secret à tes yeux. J'ai pour elle 100 fois rendu grâces au Dieu d'avoir choisi mon père au fond de l'Idumée, d'avoir rangé sous lui l'Orient et l'armée, et soulevant encore le reste des humains, remis Rome sanglante en ses paisibles mains. J'ai même souhaité la place de mon père, moi, Paulin, qui 100 fois, si le sort moins sévère eût voulu de sa vie étendre les liens, aurait donné mes jours pour prolonger les siens. Tout cela, qu'un amant sait mal ce qu'il désire, dans l'espoir d'élever Bérénice à l'Empire, de reconnaître un jour son amour et sa foi, et de voir à ses pieds tout le monde avec moi. Malgré tout mon amour, Paulin, et tous ses charmes, après 1000 serments appuyés de mes larmes, maintenant que je puis couronner tant d'attraits, maintenant que je l'aime encore plus que jamais, lorsqu'un heureux hymen joignant nos destinées peut payer en un jour les vœux de 5 années, je vais, Paulin. Oh ciel, puis-je le déclarer? Quoi, Seigneur? Pour jamais. Je vais m'en séparer. Mon cœur en ce moment ne vient pas de se rendre. Si je t'ai fait parler, si j'ai voulu t'entendre, je voulais que ton zèle achevât en secret de confondre un amour qui se tait à regret. Bérénice a longtemps balancé la victoire, et si je penche enfin du côté de ma gloire, crois qu'il m'en a coûté pour vaincre tant d'amour, des combats dont mon cœur saignera plus d'un jour. J'aimais, je soupirais dans une paix profonde. Un autre était chargé de l'empire du monde, maître de mon destin, libre dans mes soupirs. Je ne rendais qu'à moi compte de mes désirs. Mais à peine le ciel eut rappelé mon père, dès que ma triste main eut fermé sa paupière, de mon aimable erreur je fus désabusé. Je sentis le fardeau qui m'était imposé. Je connus que bientôt, loin d'être à ce que j'aime, il fallait, cher Paulin, renoncer à moi-même, et que le choix des dieux, contraire à mes amours, livrait à l'univers le reste de mes jours. Rome observe aujourd'hui ma conduite nouvelle. Quelle honte pour moi! Quel présage pour elle si, dès le premier pas renversant tous ses droits, je fondais mon bonheur sur le débris des lois! Et résolu d'accomplir ce cruel sacrifice, j'y voulus préparer la triste Bérénice. Mais par où commencer? 20 fois, depuis 8 jours, j'ai voulu devant elle en ouvrir le discours, et dès le premier mot, ma langue embarrassée, dans ma bouche 20 fois, a demeuré glacée. J'espérais que du moins mon trouble et ma douleur lui feraient pressentir notre commun malheur. Mais sans me soupçonner sensible à mes alarmes, elle m'offre sa main pour essuyer mes larmes, et ne prévoit rien moins dans cette obscurité que la fin d'un amour qu'elle a trop mérité. Enfin, j'ai ce matin rappelé ma constance. Il faut la voir, Paulin, et rompre le silence. J'attends Antiochus pour lui recommander ce dépôt précieux que je ne puis garder. Jusque dans l'Orient, je veux qu'il la remène. Demain, Rome, avec lui, verra partir la reine. Elle en sera bientôt instruite par ma voix. Et je vais lui parler pour la dernière fois. Je n'attendais pas moins de cet amour de gloire qui, partout, après vous, attacha la victoire. La Judée a servi, et ces remparts fumants de cette noble ardeur, éternel monument, me répondaient assez que votre grand courage ne voudrait pas, Seigneur, détruire son ouvrage, et qu'un héros, vainqueur de tant de nations, saurait bien, tôt ou tard, vaincre ses passions. Ah! Que sous de beaux noms cette gloire est cruelle! Combien mes tristes yeux la trouveraient plus belle s'il ne fallait encore qu'affronter le trépas! Que dis-je? Cette ardeur que j'ai pour ces appâts, Bérénice en mon sein l'a jadis allumée. Tu ne l'ignores pas, toujours la renommée avec le même éclat n'a pas semé mon nom. Ma jeunesse, nourrie à la cour de Néron, s'égarait, cher Paulin, par l'exemple abusé, et suivait du plaisir la pente trop aisée. Bérénice me plut. Que ne fait point un cœur pour plaire à ce qu'il aime et gagner son vainqueur? Je prodiguai mon sang, tout fit place à mes armes, je revins triomphant. Mais le sang et les larmes ne me suffisaient pas pour mériter ses vœux. J'entrepris le bonheur de 1000 malheureux. On vit de toutes parts mes bontés se répandre. Heureux! Et plus heureux que tu ne peux comprendre, quand je pouvais paraître à ses yeux satisfait, chargé de 1000 cœurs conquis par mes bienfaits. Je lui dois tout, Prolin. Récompense cruelle. Tout ce que je lui dois va retomber sur elle. Pour prix de tant de gloire et de tant de vertu, je lui dirai, partez et ne me voyez plus. Et quoi, Seigneur? Et quoi, cette magnificence qui va jusqu'à le frater et tendre sa puissance, tant d'honneur dont l'excès a surpris le Sénat? Vous laissent-ils encore craindre le nom d'ingrat sur 100 peuples nouveaux, Bérénice? Comment? Faibles amusements d'une douleur si grande. Je connais Bérénice, et ne sais que trop bien que son cœur n'a jamais demandé que le mien. Je l'aimais, je lui plus. Depuis cette journée, dois-je dire funeste, hélas, ou fortunée, sans avoir en aimant d'objet que son amour. Étrangère dans Rome, inconnue à la cour, elle passe ses jours pour l'instant rien prétendre que quelques heures à me voir et le reste à m'attendre. Encore si quelquefois un peu moins assidu je passe le moment où je suis attendu, je la revois bientôt de pleurs toutes trempées. Ma main allait sécher, elle longtemps occupée. Enfin, tout ce qu'amour a de nœud plus puissant, doux reproche, transport sans cesse renaissant, soin de plaire sans art, crainte toujours nouvelle, beauté, gloire, vertu, je trouve tout en elle. Depuis 5 ans entiers, chaque jour, je la vois, et crois toujours la voir pour la première. N'y songeons plus. Allons, cher Paulin, plus j'y pense, plus je sens chanceler ma cruelle constance. Quelle nouvelle, au ciel, je lui vais annoncer. Encore un coup, allons, il n'y faut plus penser. Je connais mon devoir, c'est à moi de le suivre. Je n'examine point si j'y pourrais survivre. Bérénice, Seigneur, demande à vous parler. Oh, Paulin! Déjà vous semblez reculer de vos nobles projets, Seigneur, qu'ils vous souviennent. Voici le temps. Eh bien, voyons-la. Qu'elle vienne. Ne vous offensez pas, si mon zèle indiscret de votre solitude interrompt le secret. Tandis qu'autour de moi, votre cour assemblée retentit des bienfaits dont vous m'avez comblé. Est-il juste, Seigneur, que seul en ce moment je demeure sans voix et sans ressentiment? Mais, Seigneur, car je sais que cet ami sincère du secret de nos cœurs connaît tout le mystère, votre deuil est fini, rien n'arrête vos pas. Vous êtes seul enfin et ne me cherchez pas. J'entends que vous m'offrez un nouveau diadème et ne puis cependant vous entendre vous-même. Hélas, plus de repos, Seigneur, et moins d'éclat. Votre amour ne peut-il paraître qu'au Sénat? Oh, Titus, car enfin l'amour fuit la contrainte de tous ces noms que suit leur respect et la crainte. De quel soin votre amour va-t-il s'importuner? N'a-t-il que des états qu'il me puisse donner? Depuis quand croyez-vous que ma grandeur me touche? Un soupir, un regard, un mot de votre bouche? Voilà l'ambition d'un cœur comme le mien. Voyez-moi plus souvent et ne me donnez rien. Tous vos moments sont-ils dévoués à l'Empire? Ce cœur, après 8 jours, n'a-t-il rien à me dire? Qu'un mot va rassurer mes timides esprits? Mais parliez-vous de moi quand je vous ai surpris? Dans vos secrets discours étais-je intéressé? Seigneur, étais-je au moins présente à la pensée? N'en doutez point, madame. Et j'atteste les dieux que toujours Bérénice est présente à mes yeux. L'absence, ni le temps, je vous le jure encore, ne vous peuvent ravir ce cœur qui vous adore. Et quoi? Vous me jurez une éternelle ardeur et vous me la jurez avec cette froideur? Pourquoi même du ciel attester la puissance? Faut-il par des serments vaincre ma défiance? Mon cœur ne prétend point, Seigneur, vous démentir, et je vous en croirai sur un simple soupir. Madame... Eh bien, Seigneur. Mais quoi, sans me répondre, vous détournez les yeux et semblez vous confondre? Ne m'offrirez-vous plus qu'un visage interdit? Toujours la mort d'un père occupe votre esprit. Rien ne peut-il charmer l'ennui qui vous dévore. Plût au ciel que mon père, hélas, vécût encore, que je vivais heureux. Seigneur, tous ces regrets de votre piété sont de justes effets, mais vos pleurs ont assez honoré sa mémoire. Vous devez d'autres soins à Rome, à votre gloire. De mon propre intérêt, je n'ose vous parler. Bérénice, autrefois, pouvait vous consoler. Avec plus de plaisir, vous m'avez écouté. De combien de malheurs pour vous persécuter, vous ai-je, pour un mot, sacrifié mes pleurs? Vous regrettez un père, hélas, faible douleur. Et moi, ce souvenir me fait frémir encore. On voulait m'arracher de tout ce que j'adore. Moi dont vous connaissez le trouble et le tourment quand vous ne me quittez que pour quelques moments. Moi qui mourrais le jour qu'on voudrait m'interdire de vous... Madame, hélas, que me venez-vous dire? Quel temps choisissez-vous? Ah, de grâce, arrêtez. C'est trop pour un ingrat, prodiguez vos bontés. Pour un ingrat, Seigneur? Et le pouvez-vous être? Ainsi donc mes bontés vous fatiguent peut-être? Non, madame. Jamais, puisqu'il faut vous parler, mon cœur de plus de feu ne se sentit brûlé. Mais... Achevez! Hélas! Parlez! Rome! L'Empire! Eh bien! Sortons, Paulin. Je ne lui puis rien dire. Quoi? Me quitter si tôt et ne me dire rien? Cher Phénix, hélas, quel funeste entretien! Qu'ai-je fait? Que veut-il et que dit ce silence? Comme vous, je me perds d'autant plus que j'y pense. Mais ne s'offre-t-il rien à votre souvenir qui, contre vous, madame, ait pu le prévenir? Voyez, examinez. Hélas, tu peux m'en croire? Plus je veux du passé rappeler la mémoire du jour que je le vis jusqu'à ce triste jour, plus je vois qu'on me peut reprocher trop d'amour. Mais tu nous entendais, il ne faut rien me taire. Parle. N'ai-je rien dit qui puisse lui déplaire? Que sais-je? J'ai peut-être avec trop de chaleur rabaissé ses présents, ou blâmé sa douleur. N'est-ce point que de Rome il redoute la haine? Il craint peut-être, il craint d'épouser une reine. Hélas, s'il était vrai! Mais non, il a 100 fois rassuré mon amour contre leur dure loi, 100 fois! Oh, qu'il m'explique un silence si rude! Je ne respire pas dans cette incertitude. Moi, je vivrai, Phénix, et je pourrais penser qu'il me néglige ou bien que j'ai pu l'offenser. Retournons sur ses pas. Mais quand je m'examine, je crois de ce désordre entrevoir l'origine, Phénix. Il aura su tout ce qui s'est passé. L'amour d'Antiochus l'a peut-être offensé. Il attend, m'a-t-on dit, le roi de Commagène. Ne cherchons point ailleurs le sujet de ma peine. Sans doute ce chagrin qui vient de m'alarmer n'est qu'un léger soupçon facile à désarmer. Je ne te vante point cette faible victoire, Titus. Oh, plût au ciel, que semblait c'est ta gloire! Un rival plus puissant voulut tenter ma foi et put mettre à mes pieds plus d'empire que toi. Que de sceptres sans nombre il put payer ma flamme. Que ton amour n'eut rien à donner que ton âme. C'est alors, cher Titus, qu'aimé, victorieux, tu verrais de quel prix ton cœur est à mes yeux. Allons, Phénix, un mot pourra le satisfaire. Rassurons-nous, mon cœur, je puis encore lui plaire. Je me comptais trop tôt au rang des malheureux. Si Titus est jaloux, Titus est amoureux. Troisième acte. Quoi, prince, vous partiez? Quelle raison subite presse votre départ, ou plutôt votre fuite? Vouliez-vous me cacher jusque à vos adieux? Est-ce comme ennemi que vous quittez ces lieux? Que diront avec moi la cour, Rome, l'Empire? Mais comme votre ami, que ne puis-je point dire? De quoi m'accusez-vous? Vous avez, je sens, je crois, confondu jusqu'ici dans la foule des rois. Mon cœur vous fut ouvert tant qu'a vécu mon père. C'était le seul présent que je pouvais vous faire. Et lorsqu'avec mon cœur ma main peut s'épancher, vous fuyez mes bienfaits tout prêts à vous chercher. Pensez-vous qu'oubliant ma fortune passée sur ma seule grandeur, j'arrête ma pensée, et que tous mes amis s'y présentent de loin comme autant d'inconnus dont je n'ai plus besoin? Vous-même, à mes regards qui vouliez vous soustraire, prince, plus que jamais vous m'êtes nécessaire. Moi, seigneur? Vous. Hélas, d'un prince malheureux, que pouvez-vous, seigneur, attendre que des vœux? Je n'ai pas oublié, prince, que ma victoire devait à vos exploits la moitié de sa gloire. Que Rome vit passer au nombre des vaincus plus d'un captif chargé des fers d'Antiochus. Que dans le Capitole, elle voit attacher les dépouilles des Juifs par vos mains arrachées. Je n'attends pas de vous de ces sanglants exploits, et je veux seulement emprunter votre voix. Je sais que Bérénice, à vos soins redevables, croit posséder en vous un ami véritable. Elle ne voit dans Rome, n'écoute que vous. Vous ne faites qu'un cœur et qu'une âme avec nous. Au nom d'une amitié si constante et si belle, employez le pouvoir que vous avez sur elle. Voyez-la de ma part. Moi? Paraître à ses yeux? La reine pour jamais reçu mes adieux. Prince, il faut que pour moi vous lui parliez encore. Ah, parlez-lui, seigneur, la reine vous adore. Pourquoi vous dérobez-vous même en ce moment le plaisir de lui faire un aveu si charmant? Elle l'attend, seigneur, avec impatience. Je réponds en partant de son obéissance. Et même, elle m'a dit que prête à l'épouser, vous ne la verrez plus que pour l'y disposer. Ah, qu'un aveu si doux aurait lieu de me plaire. Que je serais heureux si j'avais à le faire. Mes transports aujourd'hui s'attendaient d'éclater. Cependant, aujourd'hui, prince, il faut la quitter. La quitter? Vous, seigneur? Telle est ma destinée. Pour elle et pour Titus, il n'est plus d'Hyménée. Et d'un espoir si charmant, je me flattais en vain. Prince, il faut, avec vous, qu'elle parte demain. Quand ange au ciel? Plaignez ma grandeur importune. Maître de l'univers, je règle sa fortune. Je puis faire les rois, je puis les déposer. Cependant, de mon cœur, je ne puis disposer. Rome, contre les rois de tout temps soulevés, dédaigne une beauté dans la pourpre élevée. L'éclat du diadème et sans roi pour aïeux déshonore ma flamme et blesse tous les yeux. Mon cœur, libre d'ailleurs, sans craindre les murmures, peut brûler à son choix dans des flammes obscures. Et Rome, avec plaisir, recevrait de ma main la moins digne beauté qu'elle cache en son sein. Jules le cède à lui-même au torrent qui m'entraîne. Si le peuple, demain, me voit partir la reine, demain elle entendra ce peuple furieux me venir demander son départ à ses yeux. Sauvons de cet affront mon nom et sa mémoire. Et puisqu'il faut céder, cédons à notre gloire. Ma bouche et mes regards me haient depuis 8 jours leur ont pu préparer à ce triste discours. Et même en ce moment, inquiète, empressée, elle veut qu'à ses yeux j'explique ma pensée. D'un amant interdit, soulager le tourment. Épargnez à mon cœur cet éclaircissement. Allez, expliquez-lui mon trouble et mon silence. Surtout qu'elle me laisse éviter sa présence. Soyez le seul témoin de ses pleurs et des miens. Portez-lui mes adieux et recevez les siens. Fuyons tous deux, fuyons un spectacle funeste qui, notre constance, accablerait le reste. Si l'espoir de régner et de vivre en mon cœur peut de son infortune adoucir la rigueur, ah, prince, jurez-lui que toujours trop fidèle, gémissant dans ma cour, et plus exilé qu'elle, portant jusqu'au tombeau le nom de son amant, mon règne ne sera qu'un long bannissement si le ciel, non content de me l'avoir ravi, veut encore m'affliger par une longue vie. Vous, que l'amitié seule attache sur ses pas, prince, dans son malheur ne l'abandonnez pas. Que l'Orient vous voie arriver à sa suite, que ce soit un triomphe et non pas une fuite, qu'une amitié si belle ait d'éternels liens. Que mon nom soit toujours dans tous vos entretiens. Pour rendre vos états plus voisins l'un de l'autre, l'Euphrate bornera son empire et le vôtre. Je sais que le Sénat, tout plein de votre nom, d'une commune voix, confirmera ce don, Je joins la Cilicie à votre Copagène. Adieu. Ne quittez point ma princesse, ma reine. Tout ce qui de mon cœur fut l'unique désir, tout ce que j'aimerai jusqu'au dernier soupir. Ainsi le ciel s'apprête à vous rendre justice. Vous partirez, Seigneur, mais avec Bérénice. Loin de vous la ravir, on va vous la livrer. Arsace, laisse-moi le temps de respirer. Ce changement est grand, ma surprise est extrême. Titus, entre mes mains, remet tout ce qu'il aime. Dois-je croire, grand Dieu, ce que je viens d'ouïr? Et quand je le croirai, dois-je m'en réjouir? Mais moi-même, Seigneur, que faut-il que je croie? Quel obstacle nouveau s'oppose à votre joie? Me trompiez-vous tantôt au sortir de ces lieux, lorsqu'encore tout ému de vos derniers adieux, tremblant d'avoir osé s'expliquer devant elle, votre cœur me contait son audace nouvelle? Vous fuyez un hymen qui vous faisait trembler. Cet hymen est rompu. Quel soin peut vous troubler? Suivez la doux transport où l'amour vous invite. Arsace, je me vois chargé de sa conduite. Je jouirai longtemps de ses chers entretiens. Ses yeux même pourront s'accoutumer aux miens. Et peut-être son cœur fera la différence des froideurs de Titus à ma persévérance. Titus m'accable ici du poids de sa grandeur. Tout disparaît dans Rome, auprès de sa splendeur. Mais quoique l'Orient soit plein de sa mémoire, Bérénice y verra des traces de ma gloire. N'en doutez point, Seigneur, tout succède à vos voeux. Ah, que nous nous plaisons à nous tromper tous deux. Mais pourquoi nous tromper? Quoi? Je lui pourrais plaire. Bérénice à mes voeux ne serait plus contraire. Bérénice d'un mot flatterait mes douleurs. Penses-tu seulement que parmi ses malheurs, quand l'univers entier négligerait ses charmes, l'ingrate me permit de lui donner des larmes, ou qu'elle s'abaissa jusque à recevoir des soins qu'à mon amour elle croirait devoir? Et qui peut mieux que vous consoler sa disgrâce? Sa fortune, Seigneur, va prendre une autre face. Titus la quitte. Hélas, de ce grand changement, il ne me reviendra que le nouveau tourment d'apprendre par ses pleurs à quel point elle l'aime. Je la verrai gémir, je la plaindrai moi-même. Pour fruit de tant d'amour, j'aurai le triste emploi de recueillir des pleurs qui ne sont pas pour moi. Quoi, ne vous plairez-vous qu'à vous gêner sans cesse? Jamais dans un grand cœur vit-on plus de faiblesse. Ouvrez les yeux, Seigneur, et songeons entre nous par combien de raisons Bérénice est à vous. Puisqu'aujourd'hui, Titus ne prétend plus lui plaire, songez que votre hymen lui devient nécessaire. À ses pleurs accordez quelques jours, de ses premiers sanglots laissez passer le cours. Tout parlera pour vous. Le dépit, la vengeance, l'absence de Titus, le temps, votre présence, trois sceptres que son bras ne peut seul soutenir, vos deux états voisins qui cherchent à s'unir, l'intérêt, la raison, l'amitié, tout vous lie. Oui, je respire, Arsace, et tu me rends la vie. J'accepte avec plaisir un présage si doux, que tardons-nous? Faisons ce qu'on attend de nous, entrons chez Bérénice, et puisqu'on nous l'ordonne, allons lui déclarer que Titus l'abandonne. Mais plutôt demeurons. Que faisais-je? Est-ce moi, Arsace, à me charger de ce cruel emploi? Soit vertu, soit amour, mon cœur s'en effarouche. L'aimable Bérénice entendrait de ma bouche qu'on l'abandonne. Ah, reine, et qui l'aurait pensé que ce mot dût jamais vous être prononcé? La haine sur Titus tombera tout entière. Seigneur, si vous parlez, ce n'est qu'à sa prière. Non, ne la voyons point. Respectons sa douleur, assez d'autres viendront lui conter son malheur. Et ne la crois-tu pas assez infortunée d'apprendre à quel mépris Titus l'a condamné, sans lui donner encore le déplaisir fatal d'apprendre ce mépris par son propre rival? Encore un coup, fuyons, et par cette nouvelle, n'allons point nous charger d'une haine immortelle. Ah, la voici, Seigneur. Prenez votre parti. Oh, ciel! Et quoi, Seigneur? Vous n'êtes point parti? Madame, je vois bien que vous êtes déçue, et que c'était César que cherchait votre vue. Mais n'accusez que lui si, malgré mes adieux de ma présence encore, j'importune vos yeux. Peut-être en ce moment je serais dans Ostie s'il ne m'eût de sa cour défendu la sortie. Il vous cherche vous seul. Il nous évite tous. Il ne m'a retenu que pour parler de vous. De moi, prince? Oui, madame. Et qu'a-t-il pu vous dire? 1000 autres mieux que moi pourront vous en instruire. Quoi, Seigneur? Suspendez votre ressentiment. D'autres, loin de se taire en ce même moment, triompheraient peut-être et, plein de confiance, céderaient avec joie à votre impatience. Mais moi, toujours tremblant, moi, vous le savez bien, à qui votre repos est plus cher que le mien. Pour ne le point troubler, j'aime mieux vous déplaire et crains votre douleur plus que votre colère. Avant la fin du jour, vous me justifierez. Adieu, madame. Oh, ciel, quel discours demeurez, prince! C'est trop caché mon trouble à votre vue. Vous voyez devant vous une reine éperdue qui, la mort dans le sein, vous demande deux mots. Vous craignez, dites-vous, de troubler mon repos, et vos refus cruels, loin d'épargner ma peine, excitent ma douleur, ma colère, ma haine. Seigneur, si mon repos vous est si précieux, si moi-même jamais je fus cher à vos yeux, éclaircissez le trouble où vous voyez mon âme. Que vous a dit Titus? Oh, mon Dieu, madame! Quoi, vous craignez si peu de me désobéir? Je n'ai qu'à vous parler pour me faire haïr. Je veux que vous parliez! Dieu, quelle violence, madame, encore un coup! Vous louerez mon silence. Prince, dès ce moment, contentez mes souhaits ou soyez de ma haine assurée pour jamais. Madame, après cela, je ne puis plus me taire. Eh bien, vous le voulez, il faut vous satisfaire. Mais ne vous flattez point, je vais vous annoncer peut-être des malheurs où vous n'osez penser. Je connais votre cœur. Vous devez vous attendre que je vais les frapper par l'endroit le plus tendre. Titus m'a commandé... Quoi ? De vous déclarer qu'à jamais l'un de l'autre, il vous faut séparer. Nous séparer? Qui? Moi? Titus de Bérénice? Il faut que devant vous, je lui rende justice. Tout ce que dans un cœur sensible et généreux, l'amour ou le désespoir peut rassembler d'affreux, je l'ai vu dans le sien. Il pleure. Il vous adore. Mais enfin, que lui sert de vous aimer encore? Une reine est suspecte à l'Empire romain. Il faut vous séparer et vous partez demain. Nous séparer? Hélas, Phénix! Eh bien, madame, il faut ici montrer la grandeur de votre âme. Ce coup, sans doute, est rude. Il doit vous étonner. Après tant de serments, Titus m'abandonnait. Titus qui me jurait. Non, je ne le puis croire, il ne me quitte point, il y va de sa gloire. Contre son innocence, on veut me prévenir. Ce piège n'est tendu que pour nous désunir, Titus même. Titus ne veut point que je meure. Allons le voir, je veux lui parler tout à l'heure, allons. Quoi, vous pourriez ici me regarder? Vous le souhaitez trop pour me persuader, non, je ne vous crois point. Mais quoi qu'il en puisse être, pour jamais à mes yeux, gardez-vous de paraître. Ne m'abandonne pas dans l'état où je suis. Hélas, pour me tromper, je fais ce que je puis. Ne me trompais-je point? L'ai-je bien entendu? Que je me garde, moi, de paraître à sa vue. Je m'en garderai bien. Et ne partais-je pas si Titus, malgré moi, n'eût arrêté mes pas? Sans doute, il faut partir. Continuons, Arsas. Elle croit m'affliger, sa haine me fait grâce. Tu me voyais tantôt inquiet, égaré, je partais amoureux, jaloux, désespéré. Et maintenant, Arsas, après cette défense, je partirai peut-être avec indifférence. Moins que jamais, seigneur, il faut vous éloigner. Moi, je demeurerai pour me voir dédaigné. Des froideurs de Titus, je serai responsable. Je me verrai puni par ce qu'il est coupable. Avec quelle injustice et quelle indignité elle doute à mes yeux de ma sincérité. Titus l'aime, dit-elle, et moi je l'ai trahi. L'ingrate m'accusait de cette perfidie. Et dans quel temps encore, dans le moment fatal que j'étale à ses yeux les pleurs de mon rival, que pour la consoler je le faisais paraître amoureux et constant, plus qu'il ne l'est peut-être. Mais de quel soin, seigneur, vous allez vous troubler? Laissez à ce torrent le temps de s'écouler. Dans 8 jours, dans 1 mois, n'importe, il faut qu'il passe. Demeurez seulement. Non, je la quitte, Arsas. Je sens qu'à sa douleur je pourrais compatir. Ma gloire, mon repos, tout m'excite à partir. Allons! Et de si loin, évitons la cruelle que de longtemps, Arsas, on nous parle d'elle. Toutefois, il nous reste encore assez de jours. Je vais dans mon palais attendre ton retour. Va voir si la douleur ne l'a point trop saisie. Cours, et partons du moins assurés de sa vie. 4e acte. Phénix ne vient point. Maman, trop rigoureux que vous paraissez lents à mes rapides voeux, je m'agite, je cours, languissante, abattue. La force m'abandonne et le repos me tue. Phénix ne vient point. Oh, que cette longueur d'un présage funeste épouvante mon cœur. Phénix n'aura point de réponse à me rendre. Titus, l'ingrat Titus, n'a point voulu l'entendre. Il fuit, il se dérobe à ma juste fureur. Cher Phénix, eh bien as-tu vu l'empereur? Qu'a-t-il dit? Viendra-t-il? Oui, je l'ai vu, madame, et j'ai peint à ses yeux le trouble de votre âme. J'ai vu couler des pleurs qu'il voulait retenir. Vient-il? N'en doutez point, madame, il va venir. Mais voulez-vous paraître en ce désordre extrême? Remettez-vous, madame, et rentrez en vous-même. Laissez-moi relever ces voiles détachées et ces cheveux épars dont vos yeux sont cachés. Souffrez que de vos pleurs je répare l'outrage. Laisse, laisse, Phénix, il verra son ouvrage. Et que m'importe, hélas, de ces vains ornements? Si ma foi, si mes pleurs, si mes gémissements, mais que dis-je, mes pleurs? Si ma perte certaine, si ma mort toute prête enfin ne le ramène? Dis-moi, que produiront tes secours superflus et tout ce faible éclat qui ne le touche plus? Pourquoi lui faites-vous cet injuste reproche? J'entends du bruit, madame, et l'empereur s'approche. Venez, fuyez la foule et rentrons promptement. Vous l'entretiendrez seul dans votre appartement. De la reine pour l'inflatter l'inquiétude. Je vais la voir. Je veux un peu de solitude, que l'on me laisse. Oh, ciel, que je crains ce combat. Grand Dieu, sauvez sa gloire et l'honneur de l'État. Voyons la reine. Eh bien, Titus, que viens-tu faire? Bérénice t'attend? Où viens-tu, téméraire? Tes adieux sont-ils prêts? T'es-tu bien consulté? Ton cœur te promet-il assez de cruauté? Car enfin, au combat qui pour toi se prépare, c'est peu d'être constant. Il faut être barbare. Soutiendrai-je ses yeux dont la douce langueur sait si bien découvrir le chemin de mon cœur? Quand je verrai ses yeux, armés de tout leur charme, attachés sur les miens, m'accablés de leurs larmes, me souviendrai-je alors de mon triste devoir? Pourrais-je dire enfin, je ne vais plus vous voir? Je viens percer un cœur que j'adore, qui m'aime. Et pourquoi le percer? Qui l'ordonne? Moi-même. Car enfin Rome a-t-elle expliqué ses souhaits? L'entendons-nous crier autour de ce palais? Vois-je l'État penchant au bord du précipice? Ne le puis-je sauver que par ce sacrifice? Tout se tait. Et moi seul, trop prompt à me troubler, j'avance des malheurs que je puis reculer. Et qui sait si sensible aux vertus de la reine, Rome ne voudra point l'avouer pour romaine? Rome peut par son choix justifier le mien? Non, non, encore un coup de précipitons, rien. Que Rome, avec ses lois, mette dans la balance tant de pleurs, tant d'amour, tant de persévérance. Rome sera pour nous. Titus, ouvre les yeux. Quel air respires-tu? N'es-tu pas dans ces lieux où la haine des rois, avec le lait sucé, par crainte ou par amour, ne peut être effacé? Rome jugea ta reine en condamnant ses rois. N'as-tu pas, en naissant, entendu cette voix? Et n'as-tu pas encore ouï la renommée t'annoncer ton devoir jusque dans ton armée? Et lorsque Bérénice arriva sur tes pas, ce que Rome en jugeait, ne l'entendis-tu pas? Faut-il donc tant de fois te le faire redire? Ah, là! Fais l'amour et renonce à l'empire. Au bout de l'univers, va, cours te confiner et fais place à des cœurs plus dignes de régner. Sont-ce là ces projets de grandeur et de gloire qui devaient dans les cœurs consacrer ma mémoire? Depuis 8 jours, je règne. Et jusqu'à ce jour, qu'ai-je fait pour l'honneur? J'ai tout fait pour l'amour. D'un temps si précieux, quel compte puis-je rendre? Où sont ces heureux jours que je faisais attendre? Quels pleurs ai-je séchés? Dans quels yeux satisfaits ai-je déjà goûté le fruit de mes bienfaits? L'univers a-t-il vu changer ses destinées? Sais-je combien le ciel m'a compté de journées? Et de ce peu de jours si longtemps attendus, ah, malheureux, combien j'en ai déjà perdu! Ne tardons plus, faisons ce que l'honneur exige, rompons le seul lien! Non, laissez-moi, vous dis-je, en vain tous vos conseils me retiennent ici, il faut que je le voie! Oh!

sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur et que de soins perdus! L'ingrat de mon départ consolé par avance daignera-t-il compter les jours de mon absence? Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts. Je n'aurai pas, madame, à compter tant de jours. J'espère que bientôt la triste renommée vous fera confesser que vous étiez aimée. Vous verrez que Titus n'a pu sans expirer. Oh, Seigneur, s'il est vrai, pourquoi nous séparer? Je ne vous parle point de Nérésiménée. Rome, à ne vous plus voir, m'a-t-elle condamnée? Pourquoi m'enviez-vous l'air que vous respirez? Hélas, vous pouvez tout, madame. Demeurez, je n'y résiste point. Mais je sens ma faiblesse. Il faudra vous combattre et vous craindre sans cesse, et sans cesse veiller à retenir mes pas, que vers vous, à toute heure, entraînent vos appâts. Que dis-je? En ce moment, mon cœur, hors de lui-même, s'oublie et se souvient seulement qu'il vous aime. Eh bien, Seigneur, eh bien, quand peut-il arriver? Voyez-vous les Romains prêts à se soulever? Et qui sait de quel œil ils prendront cette injure? S'ils parlent, si les cris succèdent au murmure, faudra-t-il par le sang justifier mon choix? S'ils se taisent, madame, et me vendent leur loi, à quoi m'exposez-vous? Par quelle complaisance faudra-t-il quelque jour payer leur patience? Que n'oseront-ils point alors me demander? Maintiendrai-je des lois que je ne puis garder? Vous ne comptez pour rien les pleurs de Bérénice? Je les compte pour rien? Oh, ciel, quelle injustice! Quoi, pour d'injustes lois que vous pouvez changer, en d'éternels chagrins vous-même vous plongez? Rome a ses droits, Seigneur, n'avez-vous pas les vôtres? Ses intérêts sont-ils plus sacrés que les nôtres? Dites, parlez! Hélas, que vous me déchirez. Vous êtes empereur, Seigneur, et vous pleurez. Oui, madame, il est vrai, je pleure, je soupire. Je frémis. Mais enfin, quand j'acceptai l'Empire, Rome me fit jurer de maintenir ses droits. Il les faut maintenir. Déjà plus d'une fois, Rome a de mes pareils exercé la constance. Ah! Si vous remontiez jusque à sa naissance, vous les verriez toujours à ses ordres soumis. L'un, jaloux de sa foi, va chez les ennemis chercher avec la mort la peine toute prête. D'un fils victorieux, l'autre proscrit la tête. L'autre, avec des yeux secs et presque indifférents, voit mourir ses deux fils par son ordre, expiant. Malheureux! Mais toujours la patrie et la gloire ont, parmi les Romains, remporté la victoire. Je sais qu'en vous quittant, le malheureux Titus passe l'austérité de toute leur vertu. Qu'elle n'approche point de cet effort insigne. Mais, madame, après tout, me croyez-vous indigne de laisser un exemple à la postérité qui, sans de grands efforts, ne puisse être imitée? Non. Je crois tout facile à votre barbarie. Je vous crois digne, ingrat, de m'arracher la vie. De tous vos sentiments, mon cœur est éclairci. Je ne vous parle plus de me laisser ici. Qui, moi? J'aurais voulu, honteuse et méprisée d'un peuple qui me hait, soutenir la risée. J'ai voulu vous pousser jusque à ce refus, en effet. Et bientôt, vous ne me craindrez plus. N'attendez pas ici que j'éclate en injures, que j'atteste le ciel ennemi des parjures. Non. Si le ciel encore est touché de mes plaies, je le prie, en mourant, d'oublier mes douleurs. Si je forme des vœux contre votre injustice, si, devant que mourir, la triste Bérénice vous veut de son trépas laisser quelque vengeur, je ne le cherche, ingrat, qu'au fond de votre cœur, Je sais que tant d'amour n'en peut être effacé, que ma douleur présente et ma bonté passée, mon sang qu'en ce palais je veux même verser, sont autant d'ennemis que je vais vous laisser. Et sans me repentir de ma persévérance, je me remets sur eux de toute ma vengeance. Adieu. Dans quel dessein vient-elle de sortir, Seigneur ? Est-elle enfin disposée à partir ? Paulin, je suis perdu, je n'y pourrai survivre. La reine veut mourir. Allons, il faut la suivre. Courons à son secours. Et quoi ? N'avez-vous pas ordonné dès tantôt qu'on observe ses pas ? Ces femmes, à toute heure autour d'elle empressées, sauront la détourner de cette triste pensée. Non, non, ne craignez rien. Voilà les plus grands coups, Seigneur. Continuez, la victoire est à vous. Je sais que sans pitié vous n'avez pu l'entendre. Moi-même, en la voyant, je n'ai pu m'en défendre. Mais regardez plus loin. Songez en ce malheur. Quelle gloire va suivre un moment de douleur. Quels applaudissements l'univers vous prépare. Quel rang dans l'avenir. Non, je suis un barbare. Moi-même, je me hais. Néron tant détesté n'a point à cet excès poussé sa cruauté. Je ne souffrirai point que Bérénice expire. Allons, Rome, on dira ce qu'elle en voudra dire. Quoi, Seigneur ? Je ne sais, Paulin, ce que je dis. L'excès de la douleur accable mes esprits. Ne troublez point le cours de votre renommée. Déjà de vos adieux la nouvelle est semée. Rome qui gémissait triomphe avec raison. Tous les temples ouverts fument en votre nom, et le peuple, élevant vos vertus jusqu'aux nues, va partout de lauriers couronner vos statues. Ah, Rome ! Ah, Bérénice ! Ah, prince malheureux ! Pourquoi suis-je empereur ? Pourquoi suis-je amoureux ? Qu'avez-vous fait, Seigneur ? L'aimable Bérénice va peut-être expirer dans les bras de Phénix. Elle n'entend ni pleurs, ni conseils, ni raison. Elle implore à grands cris le fer et le poison. Vous seul, vous lui pouvez arracher cette envie. On vous nomme, et ce nom la rappelle à la vie. Ses yeux toujours tournés vers votre appartement semblent vous demander de moment en moment. Je n'y puis résister, ce spectacle me tue. Que tardez-vous ? Allez vous montrer à sa vue. Sauvez-t-on de vertu, de grâce, de beauté, ou renoncez, Seigneur, à toute humanité ? Dites un mot. Hélas, quel mot puis-je lui dire ? Moi-même, en ce moment, sais-je si je respire. Seigneur, tous les tribuns, les consuls, le Sénat viennent vous demander au nom de tout l'État. Un grand peuple les suit, qui, plein d'impatience, dans votre appartement, attend votre présence. Je vous entends, grand Dieu. Vous voulez rassurer ce cœur que vous voyez tout prêt à s'égarer. Venez, Seigneur, passons dans la chambre prochaine. Allons voir le Sénat. Ah, courez chez la reine. Quoi ? Vous pourriez, Seigneur, par cette indignité de l'Empire à vos pieds fouler la majesté, Rome. Il suffit, Paulin. Nous allons les entendre. Prince, de ce devoir, je ne puis me défendre. Voyez la reine. Allez, j'espère à mon retour qu'elle ne pourra plus douter de mon amour. Cinquième acte. Où pourrais-je trouver ce prince trop fidèle ? Ciel, conduisez mes pas et secondez mon zèle. Faites qu'en ce moment je lui puisse annoncer un bonheur où peut-être il n'ose plus penser. Ah, quel heureux destin en ce lieu vous renvoie, Seigneur. Si mon retour t'apporte quelque joie, Arzas, rends-en grâce à mon seul désespoir. La reine part, Seigneur. Elle part ? Dès ce soir. Ses ordres sont donnés. Elle s'est offensée que Titus à ses pleurs l'ait si longtemps laissée. Un généreux dépit succède à sa fureur. Bérénice renonce à Rome, à l'empereur, et même veut partir avant que Rome, instruite, puisse voir son désordre et jouir de sa fuite. Elle écrit à César. Oh, ciel, qui l'aurait cru ? Et Titus ? À ses yeux, Titus n'a point paru. Le peuple, avec transport, l'arrête et l'environne, applaudissant au nom que le Sénat lui donne. Et ses noms, ses respects, ses applaudissements deviennent pour Titus autant d'engagement qui le lient, Seigneur, d'une honorable chaîne. Malgré tous ses soupirs et les pleurs de la reine, fixe dans son devoir ses vœux irrésolus. C'en est fait. Et peut-être il ne la verra plus. Que de sujet d'espoir, Arzas, je l'avoue. Mais d'un soin si cruel, la fortune me joue. J'ai vu tous mes projets tant de fois démentis que j'écoute en tremblant tout ce que tu me dis. Et mon cœur, prévenu d'une crainte importune, croit même en espérant irriter la fortune. Et que vois-je? Titus porte vers nous ses pas, que veut-il? Demeurez, qu'on ne me suive pas. Enfin, prince, je viens dégager ma promesse. Bérénice m'occupe et m'afflige sans cesse. Je viens le cœur percé de vos pleurs et des siens calmer des plaisirs moins cruels que les miens. Venez, prince, venez. Je veux bien que vous-même, pour la dernière fois, vous voyez si je l'aime. Eh bien, voilà l'espoir que tu m'avais rendu. Et tu vois le triomphe où j'étais attendu. Bérénice partait justement irritée. Pour ne la plus revoir, Titus l'avait quittée. Qu'ai-je donc fait, grand Dieu? Quelle course infortunée à ma funeste vie aviez-vous destinée? Tous mes moments ne sont qu'un éternel passage de la crainte à l'espoir, de l'espoir à la rage. Et je respire encore. Bérénice, Titus, Dieu cruel, de mes pleurs, vous ne vous rirez plus. Non, je n'écoute rien, me voilà résolu, je veux partir. Pourquoi vous montrer à ma vue? Pourquoi venir encore aigrir mon désespoir? N'êtes-vous pas content? Je ne veux plus vous voir. Mais de grâce, écoutez. Il n'est plus temps. Madame, un mot. Non. Dans quel trouble elle jette mon âme? Ma princesse, d'où vient ce changement soudain? C'en est fait, vous voulez que je parte demain, et moi j'ai résolu de partir tout à l'heure et je pars. Demeurez. Ingrat que je demeure, et pourquoi? Pour entendre un peuple injurieux qui fait de mon malheur retentir tous ces lieux. Ne l'entendez-vous pas, cette cruelle joie, tandis que dans les pleurs, moi seule, je me noie? Quel crime, quelle offense a pu les animer, hélas! Et qu'ai-je fait que de vous trop aimer? Écoutez-vous, madame, une foule insensée! Je ne vois rien ici dont je ne sois blessée. Tout cet appartement préparé par vos soins, ces lieux de mon amour si longtemps les témoins qui semblaient pour jamais me répondre du vôtre, ce feston où nos noms enlacés l'un dans l'autre à mes tristes regards viennent partout s'offrir, sont autant d'imposteurs que je ne puis souffrir. Allons, Phénix! Oh, ciel, que vous êtes injuste! Retournez, retournez vers ce sénat auguste qui vient vous applaudir de votre cruauté. Eh bien, avec plaisir l'avez-vous écouté? Êtes-vous pleinement content de votre gloire? Avez-vous bien promis d'oublier ma mémoire? Mais ce n'est pas assez expier vos amours. Avez-vous bien promis de me haïr toujours? Non, je n'ai rien promis. Moi, que je vous haïsse, que je puisse jamais oublier Bérénice. Ah, Dieu! Dans quel moment son injuste rigueur et ce cruel soupçon vient affliger mon cœur? Connaissez-moi, madame, et depuis 5 années, comptez tous les moments et toutes les journées où, par plus de transport et par plus de soupirs, je vous ai de mon cœur exprimé les désirs. Ce jour surpasse tout. Jamais, je le confesse, vous ne pûtes aimer avec tant de tendresse, et jamais... Vous m'aimez. Vous me le soutenez. Et cependant, je pars, et vous me l'ordonnez. Quoi, dans mon désespoir, trouvez-vous tant de charme? Craignez-vous que mes yeux versent trop peu de larmes? Que me sert de ce cœur l'inutile retour? Oh, cruel! Par pitié, montrez-moi moins d'amour. Ne me rappelez point une trop chère idée. Et laissez-moi du moins partir persuadée que déjà de votre âme exilée en secret, j'abandonne un ingrat qui me perd sans regret. Vous m'avez arraché ce que je viens d'écrire. Voilà de votre amour tout ce que je désire. Lisez, ingrat, lisez, et me laissez sortir. Vous ne sortirez point, je n'ai pu consentir. Quoi? Ce départ n'est donc un cruel stratagème. Vous cherchez à mourir? Et de tout ce que j'aime, il ne restera plus qu'un triste souvenir. Qu'on cherche Antiochus, qu'on le fasse venir. Madame, il faut vous faire un aveu véritable. Lorsque j'envisageais le moment redoutable où, pressé par les lois d'un austère devoir, il fallait pour jamais renoncer à vous voir. Quand de ce triste adieu je prévis les approches, mes craintes, mes combats, vos larmes, vos reproches, je préparais mon âme à toutes les douleurs que peut faire sentir le plus grand des malheurs. Mais, quoi que je craignisse, il faut que je le dise, je n'en avais prévu que la moindre partie. Je croyais ma vertu moins prête à succomber. Et j'ai honte du trouble où je la vois tomber. J'ai vu devant mes yeux Rome entière assemblée. Le Sénat m'a parlé. Mais mon âme accablée écoutait sans entendre. Et ne leur a laissé pour prix de leur transport qu'un silence glacé. Rome, de votre sort est encore incertaine. Moi-même, à tout moment, je me souviens à peine si je suis empereur ou si je suis romain. Je suis venu vers vous sans savoir mon dessein. Mon amour m'entraînait. Et je venais peut-être pour me chercher moi-même et pour me reconnaître. Qu'ai-je trouvé? Je vois la mort peinte en vos yeux. Je vois pour la chercher que vous quittez ces lieux. C'en est trop. Ma douleur à cette triste vue, à son dernier excès, est enfin parvenue. Je ressens tous les maux que je puis ressentir. Mais je vois le chemin par où j'en puis sortir. Ne vous attendez point que là, de tant d'alarmes, par un heureux hymen, je tarisse vos larmes. En quelque extrémité que vous m'ayez réduit, ma gloire inexorable à toute heure me suit. Sans cesse le présente à mon âme étonnée, l'empire incompatible avec votre hyménée me dit qu'après l'éclat et les pas que j'ai faits, je dois vous épouser encore moins que jamais. Oui, madame. Et je dois moins encore vous dire que je suis prêt pour vous d'abandonner l'empire, de vous suivre et d'aller, trop content de mes faits, soupirer avec vous au bout de l'univers. Vous-même me rougiriez de ma lâche conduite. Vous verriez à regret marcher à votre suite un indigne empereur sans empire, sans cour, vil spectacle aux humains des faiblesses d'amour. Pour sortir des tourments dont mon âme est la proie, il est, vous le savez, une plus noble voie. Je me suis vu, madame, enseigner ce chemin et par plus d'un héros et par plus d'un romain. Lorsque trop de malheurs ont lassé leur constance, ils ont tous expliqué cette persévérance dont le sort s'attachait à les persécuter comme un ordre secret de n'y plus résister. Si vos pleurs plus longtemps viennent frapper ma vue, si toujours à mourir je vous vois résolu, s'il faut qu'à tout moment je tremble pour vos jours, si vous ne me jurez d'en respecter le cours, madame a d'autres pleurs, vous devez vous attendre. En l'état où je suis, je puis tout entreprendre. Et je ne réponds pas que ma main à vos yeux n'en sanglante à la fin nos funestes adieux. Non, il n'est rien dont je ne sois capable. Voilà de mes jours maintenant responsable. Songez-y bien, madame. Et si je vous suis cher... Venez, prince, venez, je vous ai fait chercher. Soyez ici témoin de toute ma faiblesse. Voyez si c'est aimer avec peu de tendresse. Jugez-nous. Je crois tout, je vous connais tous deux. Mais... connaissez-vous-même un prince malheureux? Vous m'avez honoré, seigneur, de votre estime. Et moi, je puis ici vous le jurer sans crime à vos plus chers amis, j'ai disputé ce rang. Je l'ai disputé même aux dépens de mon sang. Vous m'avez, malgré moi, confié l'un et l'autre la reine, son amour, et vous, seigneur, le vôtre. La reine qui m'entend peu me désavouer, elle m'a vu toujours ardente à vous louer répondre par mes soins à votre confidence. Vous croyez m'en devoir quelque reconnaissance, mais le pourriez-vous croire en ce moment fatal qu'un ami si fidèle était votre rival? Mon rival? Il est temps que je vous éclaircisse. Oui, seigneur, j'ai toujours adoré Bérénice. Pour ne la plus aimer, j'ai 100 fois combattu. Je n'ai pu l'oublier. Au moins, je me suis tue. De votre changement, la flatteuse apparence m'avait rendu tantôt quelque faible espérance. Les larmes de la reine ont éteint cet espoir. Ses yeux, baignés de pleurs, demandaient à vous voir. Je suis venu, seigneur, vous appeler moi-même. Vous êtes revenu. Vous aimez. On vous aime. Vous vous êtes rendu, je n'en ai point douté. Pour la dernière fois, je me suis consulté. J'ai fait de mon courage une épreuve dernière. Je viens de rappeler ma raison tout entière. Jamais je ne me suis senti plus amoureux. Il faut d'autres efforts pour rompre tant de nœuds. Ce n'est qu'en expirant que je puis les détruire, j'y cours. Voilà de quoi j'ai voulu vous instruire. Oui, madame, vers vous j'ai rappelé ces pas. Mes soins ont réussi, je ne m'en repens pas. Puisse le ciel verser sur toutes vos années 1000 prospérités l'une à l'autre enchaînées. Ou s'il vous garde encore un reste de courroux, je conjure les dieux d'épuiser tous les coups qui pourraient menacer une si belle vie sur ces jours malheureux que je vous sacrifie. Arrêtez. Arrêtez, prince trop généreux. En quelle extrémité me jetez-vous tous deux? Soit que je vous regarde ou que je l'envisage, partout du désespoir je rencontre l'image. Je ne vois que des pleurs et je n'entends parler que de troubles, d'horreur, de sang prêt à couler. Mon cœur vous est connu, Seigneur, et je puis dire qu'on ne l'a jamais vu soupirer pour l'Empire. La grandeur des Romains, la pourpre des Césars n'ont point, vous le savez, attiré mes regards. J'aimais, Seigneur, j'aimais, je voulais être aimée. Ce jour, je l'avouerai, je me suis alarmée. J'ai cru que votre amour allait finir son cours. Je connais mon erreur, et vous m'aimez toujours. Votre cœur s'est troublé, j'ai vu couler vos larmes. Bérénice, Seigneur, ne vaut pas tant d'alarmes. Ni que par votre amour l'univers malheureux, dans le temps que Titus attire tous ses vœux et que de vos vertus il goûte les prémices, se voit en un moment enlever ses délices. Je crois, depuis 5 ans jusqu'à ce dernier jour, vous avoir assuré d'un véritable amour. Ce n'est pas tout. Je veux, en ce moment funeste, par un dernier effort couronner tout le reste. Je vivrai. Je suivrai vos ordres absolus. Adieu, Seigneur. Régnez. Je ne vous verrai plus. Prince, après cet adieu, vous jugez bien vous-même que je ne consens pas de quitter ce que j'aime pour aller loin de Rome écouter d'autres vœux. Vivez et faites-vous un effort généreux. Sur Titus et sur moi, réglez votre conduite. Je l'aime, je le fuis. Titus m'aime, il me quitte. Portez loin de mes yeux vos soupirs et vos fers. Adieu. Servons tous trois d'exemple à l'univers de l'amour la plus tendre et la plus malheureuse dont il puisse garder l'histoire douloureuse. Tout est prêt. On m'attend. Ne suivez point mes pas. Pour la dernière fois, adieu, Seigneur. Vous venez d'entendre Bérénice, tragédie en 5 actes de Jean Racine, dont nous vous rappelons la distribution. Titus, Jean Chevrier. Bérénice, Jacqueline Moran. Antiochus, Serge Reggiani. Paulin, Georges Leroy. Arzas, Jean Claudio. Fénice, Annie Gaillard. Et Rutil, Roland Bernard. La pièce a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 12 octobre 1950. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.